Danse à la dimension de ton miracle ce soir. D'autres adorent les hommes, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marigot. Moi, on adore Jésus. Cailloux sacré, certains même adorent les animaux, certains même adorent les poissons, certains préfèrent adorer leurs bijoux, certains préfèrent adorer la voiture, certains préfèrent adorer leurs chaussures. Nous on adore Jésus. Ce soir, je ne sais pas quel est ce sorcier qui a proclamé qu'en cette année 2016 tu ne verras pas la gloire de Dieu. Lève le main, lève le main. Est-ce que tu crois qu'il y a une boule de feu dans ta main ce soir? Tu vas consumer le camp des sorciers. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Lève le main, lève le main, lève le main, lève le main, lève le main. Tu vas envoyer le feu sur tout esprit de non-accomplissement dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, dispose-toi, c'est une action prophétique. Pendant que tu es en train de le faire, quelque chose se passe dans le corps des ténèbres. Alléluia. On y va. 1, 2, 3, allez, fire. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, f son côté. Lève la main, lève la main, lève la main. On y va, 1, 2, 3, jump. Fire, fire. Regarde derrière. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Tu dois chasser maintenant de ta vie la mort prématurée, la mort spirituelle, la mort dans tes affaires, la mort dans tes entrailles, la mort dans tes projets. Nom de Jésus. Tu vas chasser cet esprit de mort. Alléluia. Lève le main, lève le main, lève le main. Oh.